الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons la lecture et l'explication du livre de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, dans lequel il a exposé les causes permettant l'augmentation de la récompense de nos bonnes actions. Il a dit, rahimahullah, parmi les actions aux récompenses multipliées, il y a l'action qui, lorsqu'elle est mise en pratique par un serviteur, d'autres en font de même, c'est-à-dire qu'ils participent avec lui à cette action et le prennent pour modèle. Sa récompense est donc multipliée en fonction de ceux qui ont participé avec lui et celui qui est la cause de l'accomplissement de cette action par ses frères musulmans. Alors ceci augmente sans aucun doute sa récompense de nombreuses fois comparée à l'action qui, lorsqu'elle est mise en pratique par le serviteur, personne ne se joint à lui et qui fait plutôt partie des actions dont le profit est limité à leur hauteur. C'est pour cela que les savants ont préféré les actions dont le profit s'étend à autrui aux actions dont le profit est limité à leur hauteur. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous expose ici la quatrième cause permettant l'augmentation de la récompense de nos bonnes actions. Et cette cause est que l'on soit pris pour modèle sur cette action, de sorte à être suivi dans son accomplissement. Si tu fais une action alors que tu es seul, à l'exemple d'une aumône, tu es récompensé pour cette aumône, inshallah ta'ala. Mais si tu fais cette même aumône devant des gens qui ont de l'estime pour toi, des gens qui te prennent pour modèle, qui te suivent, comme tes enfants, tes petits frères et sœurs, tes amis ou autres parmi les gens, alors s'ils te suivent sur cette action et font à leur tour cette action, ils font à leur tour une aumône, ton action sera alors beaucoup plus méritoire que si tu l'avais fait sans être vu par ces gens qui t'ont suivi. Et tu verras ainsi tes récompenses augmenter, Inch'Allah ta'ala. Et ceci est un moyen, en réalité, d'inviter les gens au bien par tes actes, en étant un modèle de bien. Le musulman, il doit veiller à appeler au bien par sa langue, mais aussi à appeler au bien par son comportement, en montrant le chemin vers le bien, en montrant les bonnes actions à accomplir en toute situation, en montrant la conduite à tenir face aux différents événements, et ainsi de suite. Et ceci est d'une grande importance pour chacun d'entre nous, mais notamment pour qui ? Pour les pères et mères, les parents, qui sont les premiers repères et les premiers modèles pour leurs enfants. Il convient donc aux parents d'être conscients de cela et de veiller à toujours être pour leurs enfants des modèles exemplaires. Chaque bonne action pour laquelle tu seras pris pour modèle, que ce soit par tes enfants dans ton foyer, que ce soit par tes frères et sœurs, que ce soit par tes amis ou autres parmi les gens même, des gens que tu ne connais peut-être pas, qui t'ont vu faire un acte et ont fait de même, alors tu auras la récompense de ton acte et la récompense de tous ceux qui t'auront suivi sur celui-ci, sans que cela ne diminue en rien de leur récompense. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait vivre une sunna en islam, il montre l'exemple, il met en pratique une bonne œuvre et il est suivi sur celle-ci. Il aura alors la récompense de celle-ci, il aura la récompense de son acte qu'il a mis en pratique, ainsi que les récompenses de ceux qui la pratiqueront après lui, tous ceux qui ont pratiqué cet acte après lui par sa cause, par son intermédiaire, qui l'ont pris pour modèle, sans que cela ne diminue en rien de leur récompense. » C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre une part de leur récompense, non. Eux aussi, ils seront récompensés pour leurs bonnes actions, inshallah ta'ala. Mais lui, pour chaque personne qui le suit, il a une récompense supplémentaire, bi'inillahi ta'ala. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc si tu mets en pratique une œuvre, quelle qu'elle soit, on a donné l'exemple de l'aumône, mais ceci est aussi valable pour une prière. Si tu fais une prière surérogatoire que les gens ne connaissent pas, et qu'en te voyant faire, ils prennent connaissance de cette sunna, comme la prière d'ad-duha ou les rawatib ou autres parmi les prières surérogatoires. S'ils te voient faire cette prière et prennent ainsi connaissance de cette sunna, puis la mettent en pratique, tu seras récompensé pour cette prière sur laquelle ils t'ont suivi, et ce, à chaque fois qu'ils la mettront en pratique. Supposons que tu sois dans un endroit, assis au milieu de gens que tu ne connais pas, une salle d'attente par exemple. Puis voyant le temps long, tu profites de ce temps d'attente pour lire le Coran. Tu prends le mushaf, que ce soit un mushaf papier ou alors un mushaf électronique, avec ton téléphone ou autre, puis tu te mets à lire le Coran. Il se peut qu'une autre personne dans cette salle te voit faire et te suive en cela, et prenne conscience que, c'est vrai, il serait plus profitable de profiter de ce temps d'attente pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette lecture. Tu seras récompensé pour toutes les personnes qui t'auront suivi dans cet acte. Il en est de même pour l'apprentissage de la science. Il se peut parfois qu'une personne écoute un cours dans sa maison. Elle est seule dans sa chambre ou dans son salon, en train d'écouter un cours. Puis une autre personne parmi les gens du foyer se joint à elle. Son frère, sa sœur, son mari, son épouse. Quelle que soit cette personne parmi les gens du foyer. Elle se joint à elle et écoute aussi ce cours. La première personne qui a mis en route ce cours et qui a commencé à l'écouter afin d'apprendre la science, elle sera récompensée pour l'écoute de ces autres personnes, inshallah ta'ala. Et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Quelle que soit l'action que tu mets en pratique et sur laquelle tu es suivi, alors ta récompense augmentera en fonction du nombre de personnes qui t'auront suivi en cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre cause et il a dit « Parmi les actions aux récompenses multipliées, il y a l'action à l'impact immense et au grand profit, comme lorsqu'elle comprend le sauvetage de quelqu'un en danger, l'arrêt de dommages subis par des personnes en difficulté, le soulagement de personnes en détresse. Combien d'actions de ce genre sont la plus grande cause pour que le serviteur soit sauvé du châtiment et remporte une récompense abondante? » Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que la cinquième cause parmi les causes d'augmentation de la récompense de nos bonnes actions, il y a le fait que cette action permette de secourir des personnes en difficulté, en leur venant en aide, en les aidant à surmonter cette difficulté, en les mettant hors de danger, en leur apportant ce qui leur permet de se sortir d'affaires et ainsi de suite. Et entre dans cela le fait de sauver une vie, le fait de sauver quelqu'un d'un incendie, de sauver quelqu'un de la noyade, mais aussi le fait d'aider un malade à se soigner, d'aider une personne endettée à régler ses dettes, de donner à boire et à manger à celui qui n'a pas de quoi se procurer nourriture et boisson, et ainsi de suite parmi les actions semblables. Tout ceci fait partie des meilleures des œuvres en islam. Et lorsque le serviteur vient en aide à son frère, alors, par cette aide qu'il prodigue à son frère, il obtiendra l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rahimahullah rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui soulage en ce bas monde un croyant d'une difficulté, Allah le soulagera d'une difficulté au jour de la résurrection. » Est-ce que vous voyez ici l'augmentation de la récompense? Lui, il a soulagé un croyant d'une difficulté de ce bas monde. Et en récompense, qu'est-ce qu'il a? Il a le soulagement d'une difficulté parmi les difficultés du jour de la résurrection. Il ne fait aucun doute que les difficultés de ce bas monde ne sont rien face aux difficultés du jour de la résurrection. Donc étant donné qu'il a soulagé son frère ici-bas, Allah le soulagera dans l'au-delà. Et ceci est une récompense augmentée. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui facilitera en ce bas monde et dans l'au-delà. » Il facilite un endetté en lui allégeant sa dette, en remboursant sa dette, en l'acquittant de sa dette. Il le facilite en cela. Allah, en récompense, lui facilite ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Donc sa récompense, elle est augmentée à comparer à son œuvre. Et dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. » Tu es au service de tes frères et sœurs? Tu les aides lorsqu'ils en ont besoin? Tu es à leur côté lors des difficultés? Tu les soulages lors des moments d'épreuve? Tu les réconfortes lorsqu'ils ont besoin de réconfort? Alors tu es sur le bien, inshallah ta'ala. Et tu obtiendras une récompense augmentée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah, a mentionné ensuite un exemple très clair du mérite de ce genre d'action, nous démontrant leur importance et qu'il ne convient pas de les négliger. Il a dit, rahimahullah, il en est de même pour les animaux. S'il met fin à ce qui leur nuit, la récompense est immense. Donc ce qu'il a mentionné précédemment, cela ne concerne pas seulement les êtres humains, mais également les animaux. Si tu le donnes à boire ou à manger lorsqu'il en a besoin, il y a en cela une récompense immense. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « Et l'histoire de la femme de mauvaise mœurs confirme cela. Elle s'est fait pardonner sa transgression après avoir donné à boire à un chien qui était sur le point de mourir de soif. » Et le hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous donne ici l'exemple de cette femme qui était de mauvaise mœurs. C'était une femme parmi les enfants d'Israël. Et celle-ci fut prise de pitié pour un chien assoiffé. Elle le vit autour d'un puits, alors qu'il était sur le point de mourir de soif. Le voyant dans cette situation, elle retira son chausson. Elle le remplit d'eau et elle donna à boire à ce chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette dernière fut pardonnée en raison de cet acte. Et ce car son action fut motivée par la pitié et la compassion, la miséricorde, la bienfaisance et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle fut donc rétribuée en bien pour son action. Donc si une telle femme a pu se faire pardonner en donnant à boire à un chien assoiffé, que penser du mérite des personnes vertueuses qui donnent à boire et à manger à des croyants en difficulté? Que penser du mérite de ceux qui consacrent une part de leur temps et de leur richesse à secourir les personnes en difficulté au sein de la communauté? Il ne fait aucun doute que cela peuvent d'autant plus espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et une récompense immense pour leurs actions, à condition bien sûr de faire preuve de sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les gens de science ont souligné, lors de l'explication de ce hadith, que ce n'est pas toute femme de mauvaise mœurs qui va se voir pardonner ses péchés en donnant à boire à un chien. Il ne suffit pas de donner à boire à un chien pour se faire pardonner ses transgressions. Mais les gens de science ont expliqué que cette femme a été pardonnée en raison de la foi sincère qui a motivé son acte. C'est pour cela qu'elle a obtenu cette récompense immense. De la même manière que dans un autre hadith, il est rapporté qu'un homme s'est vu pardonner ses péchés et a gagné le paradis. Pourquoi ? Car il a retiré une branche épineuse du chemin des musulmans, afin que cette branche ne nuise pas aux musulmans. Il fut motivé à cet acte par une foi sincère et véridique pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc de la même manière, ce n'est pas toute personne qui retire une branche épineuse du chemin qui va gagner cette récompense. Les personnes n'ont pas toutes les mêmes intentions. Il se peut qu'une personne fasse cela par peur de se faire mal elle-même. Elle se dit « je vais revenir sur ce chemin et cette branche va me gêner ». Donc elle la retire, car cette branche la dérange. Tandis que l'autre, il l'a fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, afin que cette branche ne nuise pas aux musulmans. On voit donc une fois de plus que toutes ces causes que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées dans cet épître, elles reposent en réalité essentiellement sur le premier point qu'il a mentionné, qui est la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, on retient que si le serviteur est sincère et qu'il vient en aide à ses frères et sœurs, qu'il veille autant que possible en fonction de ses capacités à les sortir des difficultés auxquelles ils font face, que ce soit des difficultés physiques ou des difficultés financières, alors celui-ci est sur un grand bien, Inch'Allah ta'ala, il verra la récompense de ses actions augmenter. Et il en est de même pour celui qui fait preuve de bienfaisance, même envers les animaux. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre cause et il a dit, parmi les causes de la multiplication des récompenses, il y a que le serviteur agisse bien en islam, qu'il suive une bonne voie, qu'il abandonne les péchés et ne persiste sur aucun d'entre eux, car les actions de celui-ci sont multipliées, comme cela est rapporté dans le hadith authentique, si l'un d'entre vous agit bien en islam, alors chaque bonne action qu'il fait est inscrite pour lui de 10 à 700 fois. De 10 à 700 fois. Et le hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc le musulman, il lui est demandé de mettre en pratique sa religion comme il se doit. Tu te dois d'être assidu à tes obligations. Et il te convient, et il est recommandé pour toi de les faire suivre, d'actes, surérogatoires et de bonnes actions. Tu te dois également de t'écarter des péchés et des mauvaises actions. Et également t'écarter des actes vils et abjects qui s'opposent aux bonnes manières et à la bonne conduite du musulman. Également, tu te dois de suivre une bonne voie, de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de n'accomplir parmi les actions que celles qui sont légiférées. Et tu te dois de ne persister sur aucun péché. C'est-à-dire que s'il t'arrive de faiblir, de faire un faux pas, car nul n'est à l'abri des péchés, alors tu t'empresses de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cela que fait allusion l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit qu'il abandonne les péchés et ne persiste sur aucun d'entre eux. Il fait allusion au fait que, même si le croyant fait des efforts pour abandonner les péchés, il n'en est pas à l'abri. Il tombera inévitablement dans certains péchés, il fera inévitablement certains faux pas. Mais lorsqu'il t'arrive de faire un faux pas, si tu es véridique envers Allah, tu t'empresses de revenir à lui, tu t'empresses de te repentir, tu t'empresses d'implorer son pardon et de délaisser ce péché. Et ce qui est vraiment blâmable, c'est de persister sur le péché, de continuer de le faire alors que tu as conscience que c'est interdit. C'est cela qui est très grave. Tandis que celui qui faiblit, qui fait un faux pas et se repent à Allah subhanahu wa ta'ala aussitôt après avoir commis le péché, alors il est comme celui qui n'a pas commis ce péché. Quoi qu'il en soit, celui dont telle est la description, qui veille à accomplir tout ce que l'on a mentionné. Alors celui-ci verra la récompense de ses bonnes actions augmenter. Elles seront multipliées par 10 au minimum jusqu'à 700 fois au plus encore, comme le démontre le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Si l'un d'entre vous agit bien en islam, alors chaque bonne action qu'il fait est inscrite pour lui de 10 à 700 fois. Et on voit ici l'importance de comprendre que cette religion n'est pas une simple affiliation. Il ne suffit pas de dire « je suis musulman » et de mettre globalement en pratique certains aspects de la religion. Mais ce qui est attendu du croyant, c'est qu'il rentre pleinement en islam, qu'il veille à se conformer à cette religion dans toutes ses affaires parmi les affaires religieuses ou mondaines, qu'il cherche à savoir ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation, même si cela s'oppose au désir de son âme. Tu dois faire attention à ne pas prendre de la religion que ce qui te plaît. Et tout ce qui te déplaît ou s'oppose au désir de ton âme incitatrice au mal, tu le délaisses. Comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Ils prennent ce qui est facile pour eux, ce qui leur plaît, tout ce qui ne correspond pas à leur passion. Tout ce qui s'oppose au désir de leurs âmes, ils le délaissent. Et ceci est une grave erreur. Ceux-là n'ont pas bien agi en islam. Le musulman, il doit toujours chercher à trouver la satisfaction de son Seigneur dans chacun de ses actes. Et veiller à s'éloigner de tout ce qui est contraire à notre religion, s'éloigner de tous les péchés, s'éloigner de toutes les mauvaises actions, s'éloigner de toutes les choses viles et abjectes qui s'opposent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. C'est cela qui est attendu du croyant. Entrer pleinement dans cette religion, la mettre en pratique, dans son intégralité, et non pas seulement dans certains domaines, comme malheureusement beaucoup de gens le font aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer et d'améliorer nos situations. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre cause parmi les causes d'augmentation de la récompense de nos bonnes actions, et il a dit « Parmi les causes d'augmentation de la récompense, il y a l'éminence de l'auteur de l'action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et son rang élevé en islam, car Allah est reconnaissant et indulgent. » Le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que plus la personne parfait sa religion, au point d'avoir un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus la personne va s'élever en degré, plus la personne va atteindre un rang éminent auprès de son Seigneur, plus la récompense de ses actions sera augmentée. C'est-à-dire que plus la personne est proche d'Allah, plus ses actions auront une récompense immense. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a notamment tiré cela de ce que l'on comprend des noms d'Allah, Al-Shakur et Al-Halim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Shakur, c'est-à-dire reconnaissant, et Halim, c'est-à-dire indulgent. En effet, il est reconnaissant, il est Shakur, et cela signifie qu'il donne avec abondance à celui qui fait une bonne action aussi minime soit-elle. Il le rétribue en bien et décuple sa récompense. On a vu que la hasana, elle est au moins multipliée par 10. Aussi minime soit-elle, elle est multipliée par 10. Et celui qui est proche d'Allah, celui qui fait partie des rapprochés d'Allah et des alliés d'Allah, aussi minime soit son œuvre, Allah le rétribuera d'une récompense bonne et abondante qu'il augmentera pour lui et qu'il multipliera. Et Allah subhanahu wa ta'ala est halim. Il fait preuve d'indulgence envers ses serviteurs vertueux. C'est-à-dire qu'il passe outre leurs faux pas plus qu'il ne le fait pour autre que. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a donné une preuve explicite de ce qu'il a mentionné ici et un exemple concret à ce sujet. Et il a dit, c'est pour cela que la récompense des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam était multipliée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, qui fait des œuvres pieuses, nous lui accorderons sa récompense deux fois. On voit donc ici une preuve de ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Car les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en raison de leur rang éminent, elles ont vu leur récompense augmenter. Ce sont les épouses du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont donc prises pour modèles. Ce sont des exemples pour les femmes vertueuses jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour cela qu'elles ont un grand mérite et que leurs récompenses ont été augmentées. Donc ceci nous démontre que celui qui a un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il verra la récompense de ses actions augmenter auprès de son Seigneur. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, et il en est de même pour le savant Rabbani, qui est le savant qui met en pratique et enseigne ce qu'il sait. La récompense de ses actions est multipliée en fonction de son rang auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que de la même manière que les récompenses des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont été augmentées, il en est de même pour le savant Rabbani. Et il a donné ici plusieurs caractéristiques de ce savant. La première est que c'est un savant. Il est doté de science et de clairvoyance au sujet de la religion d'Allah. La deuxième est que cette science, il la met en pratique. Car cette science, ce n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas suffisant d'avoir de la science. Mais ce qui est attendu du croyant, c'est qu'il mette en pratique cette science. Donc la finalité est de mettre en pratique cette science d'une manière qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la deuxième caractéristique de ce savant, Rabbani. Il a la science et il met en pratique cette science. La troisième caractéristique, il enseigne ce qu'il sait. Il enseigne la science. Il ne limite pas le bien à sa propre personne, mais il transmet ce bien autour de lui en enseignant cette science dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait don. Donc le savant dont telle est la description, il ne fait aucun doute qu'il a un rang éminent en islam, qu'il fera partie des modèles et des repères pour les musulmans de son époque et des musulmans après lui. Et si telle est la situation, ses récompenses seront augmentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de son rang. Plus son rang sera éminent, plus la récompense de ses actions seront augmentées. Donc ceci nous encourage à quoi ? Ceci nous encourage à faire des efforts pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'étude de la science, la mise en pratique de cette science et la transmission de cette science, afin de nous élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire partie de ceux qui verront leur récompense augmentée. Puis le Cheikh, rahimahullah ta'ala, termine ce point en attirant notre attention sur une question importante et il a dit « Et de la même manière, lorsque ces gens-là commettent un péché, il est plus grave que celui commis par autre qu'eux, en raison de ce qui leur incombe comme prudence supplémentaire, mais aussi en raison de ce qui leur incombe comme augmentation de reconnaissance envers Allah » pour les bienfaits particuliers qu'il leur a accordés. Étant donné qu'ils sont pris pour modèles, ils doivent davantage prendre garde à ne pas commettre de péché au risque d'être suivis en cela. Et étant donné qu'ils ont la science, qu'ils savent pertinemment que tel ou tel péché est interdit, qu'il ne faut pas commettre cela, lorsqu'ils le commettent, leur faute est plus grave en raison de leur science. De plus, ces péchés s'opposent à la reconnaissance obligatoire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait don de la science, de la mise en pratique, de la transmission de cette science. Donc, lorsqu'ils vont faire une faute, lorsqu'ils vont commettre un péché, ils vont ainsi manquer de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que de la même manière que leurs récompenses sont augmentées, leurs péchés aussi seront augmentés et seront plus graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui commis par autre que... Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné d'autres causes que l'on verra lors des prochaines assises. Incha'Allah ta'ala, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.